France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Elle fut la première femme artiste dite populaire à chanter au Metropolitan Opera en 123 ans. Elle a chanté à Carnegie Hall. Elle a créé des rôles mémorables à Broadway et ce fut longtemps la plus belle voix de Broadway. Pas une voix de poitrine, pas une chanteuse de jazz, pas une voix de soprano. Un mélange délicat de tout cela. Avec une articulation parfaite, elle incarnait ses chansons et ses modèles s'appelaient tout simplement Judy Garland ou Mabel Messer. Barbara Cook a disparu cet été à l'âge de 89 ans. Ce matin, nous revenons sur sa carrière en sa compagnie puisqu'elle nous avait reçus chez elle à Manhattan il y a 4 ans. Alors, son nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais je suis sûr que vous connaissez par cœur ceci. C'est pour elle et sur mesure que Leonard Bernstein l'a écrit en 1956 dans Candide. And here I am, my heart breaking, forced to glitter, forced to be gay. Glitter and be gay. Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are endearing. Ha-ha! I'm awesome that my sapphire is a star. Ha-ha! I'm more than like a 20-carat earring. Ha-ha! If I'm not pure at least, my jewels are. Enough, enough. I'll take their diamond necklace and show my noble stuff by being reckless. Barbara Cook en 1956, la première Cunégonde de Candide, la comédie musicale de Léonard Bernstein d'après le roman de Voltaire, Glitter and Be Gay, c'est le titre de cet air avec des notes élevées à foison. En 2013, Barbara Cook recevait chez elle à Manhattan l'équipe de 42e rue et elle se rappelait pour nous de cet air qu'elle chantait 8 fois par semaine, on est loin du rythme des cantatrices d'opéra, et elle se rappelait aussi de Léonard Bernstein. Quand j'ai chanté Candide à Broadway, je n'avais rien fait d'autre qu'un sol aigu, et c'était la note la plus haute que j'avais chantée en public. Et là, je suis sur scène. Alors, le premier soir, j'ai compté tous les aigus qu'il y avait dans la partition. Alors, pour vous dire, alors, j'ai réfléchi. Alors, 4 mi bémol au-dessus d'un contrut. 6 ré bémol. Non, non. Il faut que les choses soient justes. 16. Non, non, 4. Ré bémol. 16 si bémol au-dessus d'un contrut. Et 21 contrut. Pour ce sol et même rôle. Ça a l'air impossible, dit comme ça. Mais je peux vous montrer la partition. Et ils sont tous là. Chaque fois qu'il avait besoin d'un contrut, c'était pour Cunégonde. Donc, vous pouvez imaginer que finalement, je chantais beaucoup. Bon, au final, je n'en chantais que 20. Parce qu'au moment du grand final, tout le monde chantait. Et je me suis dit, voilà, si eux chantent des contruts, je vais fermer ma bouche et comme ça, je m'en épargne un. Et voilà, je chantais aussi des matinées. Il y avait 8 spectacles par semaine. Et il y avait donc tout ça, le soir, les matinées. Et je chantais en tout 40 contrus chaque jour, sauf le samedi matin. Et voilà, mais ça allait. Vous savez, comme disait mon professeur, si tu le fais bien, tu vas simplement te bonifier. Et je suis devenue plus forte. Comment on s'entraîne pour jouer, vous l'avez dit, 8 fois par semaine, Candide? J'avais à l'époque 28 ans, 29 ans. Bon d'accord, quand j'ai commencé à chanter cette aria, j'ai commencé à y travailler, je ne pouvais pas la finir. C'est à peu près 12 minutes, c'est assez long, si je me souviens bien. Il n'y a que des aigus avec beaucoup de coloratura. Et c'est un peu comme si vous partiez avec des paquets un peu trop lourds ou des valises trop lourdes. Et à chaque instant, il faut faire une pause parce que vos muscles n'en peuvent plus. Et ils lâchent, vous comprenez? Et c'est un peu ce qui se passait au tout début lorsque j'ai commencé à apprendre cette aria. Les muscles ne pouvaient pas suivre. Donc, j'ai dû vraiment acquérir cette endurance, apprendre à me renforcer pour pouvoir avoir cette force et aller jusqu'au bout. Et une des choses que j'ai faites, et c'est ce que mon médecin m'a conseillé à l'époque, c'était d'avoir et de m'astreindre à un repos total de la voix du samedi après le spectacle jusqu'au lundi soir où je recommençais à monter sur scène. Et j'oubliais. Ça a l'air fou, hein, ce que je vais vous raconter, mais on est prêt à tout pour l'art, vous allez voir. Donc, je prenais un petit sparadrap, enfin un pansement, et je mettais sur la commissure de mes lèvres. Et parce que j'oubliais. Et donc, je commençais à parler, et à chaque fois, ça me rappelait que je ne devais pas parler. Et j'ai aussi appris une nouvelle façon de rire. Au du ha-ha-ha, qui est sur les cordes. Je riais comme ça. That was my way of laughing. Will he like me when we meet? Will the shy and quiet girl he's going to see be the girl that he's imagined me to be? Will he know enough to know that there's more to me than I may always show? Will he like me? Will he know that there's a world of love waiting to warm him? Can say how I wish that we could meet another day. It's absurd for me to worry so this way. Life is slow, but it seems exciting, 'cause Buddy's there. Gourmet cooking and letter writing, and knowing Buddy's there. Every morning, don't faint, I tend the flowers. Can you believe it? Every weekend, I paint for umpteen hours. And yes, I miss a lot, living like a shot in. No, I haven't got cooks and cars and diamonds. Yes, my clothes are not Paris fashions, but in Buddy's eyes, I'm young, I'm beautiful. In Buddy's eyes, I don't get older. So life is ducky and time goes flying, and I'm so lucky I feel like crying. Deux chansons interprétées à deux extrêmes de sa carrière par Barbara Cook. Willie Like Me, d'abord, extrait de She Loves Me en 1963, la comédie musicale de Sheldon Harnick et Jerry Bock, inspirée de La petite boutique au coin de la rue, le film de Lou Beach. Elle incarnait l'employé ingénu d'une parfumerie qui poursuit un échange épistolaire amoureux, anonyme, avec un jeune homme qu'elle a rencontré par petite annonce et qui s'avère être le collègue qu'elle déteste. Et puis, à l'instant, en 1985, après un passage à vide, un rôle dense de femme trompée dans Follies de Stephen Sondheim. Barbara Cook savait mettre ses tripes sur scène. Une chanson amère, ici, intitulée « Dans les yeux de Buddy, in Buddy's eyes ». 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et ce matin, nous racontons Barbara Cook, disparue cet été à l'âge de 89 ans. Vous pouvez réagir à cette émission, nous envoyer vos commentaires. Vous allez sur le Twitter de 42e rue ou le compte Facebook, ou même vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Barbara Cook nous expliquait, quand on l'avait rencontrée, qu'elle chantait depuis qu'elle était née. Elle grandit à Atlanta, en plein âge d'or des films hollywoodiens musicaux, et de fait, elle n'a qu'une envie, faire partie de ce monde. À 21 ans, en voyage à New York avec sa mère, elle décide de rester pour tenter sa chance. Alors elle est jolie, elle est blonde, elle est svelte, et puis surtout elle a des facilités, on l'a entendu, incroyables pour chanter des notes élevées. Et c'est ça surtout qui va la faire repérer. Lors d'une audition, le parolier du magicien d'Oz, Yip Harburg, l'a choisie pour le premier rôle de sa prochaine comédie musicale. Ça s'appelle Flahoulay, elle incarne déjà une ingénue, la petite amie d'un fabricant de poupées. Et c'est à elle d'ouvrir le spectacle avec une chanson émouvante et aiguë, Here's to Your Illusions. The man of my dreams is a dream of a man who walks and talks with the stars. When he looks in my eyes, does he ever see eyes? No, he sees Venus, our Mars. clothes, his streets are paved with silk. He acts like a man full of pink champagne when it's only homogenized milk. I may not be a dream come true, but I'm hers and she's mine, and she's stuck, and what can she do? Here's to all your dreams, here's to your illusions. May they always lead you into my arms. Here's to all your hopes and those sweet confusions. I'm beating my brains out being ambitious. I've got everything I want right now. Look at that nose. Cuter than 1,000 shares of AT&T. Here's to that trick of romance that beguiles with a smile or a glance. As long as you're in this trance, I stand a chance with you. So love is blind, here's to your illusions. Stay enchanted, please. Put my heart at ease for all the years to come. For all the years to you. En 1957, Barbara Cook, qui reçoit son premier et unique Tony Awards, face quand même à l'actrice principale qui incarne Maria dans West Side Story. C'était pour son rôle encore d'ingénue, à vrai dire, dans The Music Man, une comédie musicale novatrice, empreinte de textes rappés avant l'heure. On vient d'entendre le final de cette comédie musicale, Till There Was You. Elle incarne dans ce spectacle une bibliothécaire un peu vieille fille qui tombe amoureuse en connaissance de cause d'un homme qui vient d'escroquer les habitants d'un petit village. C'était le duo final avec Robert Preston, paroles et musique, Meredith Wilson. Voilà, dans la première partie de sa carrière, on l'a compris, Barbara Cook collectionne les rôles d'ingénue. Et par exemple, en 1962, dans Showboat de Jérôme Kern, elle incarne Magnolia, une jeune fille tombée éperdument amoureuse, cette fois d'un ivrogne violent. Barbara Cook savait glisser des sanglots à travers les mots. Elle disait qu'elle ne chantait pas des chansons désespérantes, mais en utilisant le mot français, elle aimait chanter des chansons tristes. La voici, par exemple, en duo avec John Wright dans Showboat. Improbable and unreal world, finding you has given me my I hope. have wings on your heels and to fly down a street in a trance. You fly down a street on the chance that you'll meet and you'll meet. Not really by chance. Don't cry, young lovers, whatever you do. Don't cry because I'm alone. All of my memories are happy tonight. I've had a love of my own. Ce matin, sur la 42e rue de France Musique, nous racontons Barbara Cook, grande comédienne, grande soprano de Broadway, disparue cet été. À l'instant, une autre chanson d'amour triste de Barbara Cook dans Le Roi et moi de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, c'était Hello Young Lovers. C'est en 1956 que Barbara Cook est choisie par Leonard Bernstein pour incarner Cunégonde dans son adaptation quasi opératique de Candide. On est à un an avant West Side Story. Il se trouve que Leonard Bernstein a repéré les facultés vocales de cette jeune fille de 29 ans. Et il va écrire l'air le plus fameux, Glitter and Be Gay, sur mesure pour elle. Nous avions rencontré Barbara Cook chez elle en 2013 et elle se rappelait de son audition pour le rôle devant Leonard Bernstein. Lorsque je suis partie passer l'audition pour Candide, un des producteurs m'a donné la partition. Je n'avais jamais vu celle de Glitter and Be Gay. Je ne connais pas le solfège, mais lorsque j'ai vu toutes ces lignes au-dessus de la portée, je me suis dit, bon, ben, j'ai rien à perdre. Ils ne vont jamais m'engager pour ça. Et puis finalement, ça va, il fait beau dehors, je me balade, je rencontre Leonard Bernstein, c'est pas si mal. Et puis, Bernstein est entré dans la pièce, a été impressionné par mon chant, et puis on a commencé à travailler sur l'aria. Et finalement, j'ai eu le rôle, et j'ai été tellement surprise, et d'ailleurs j'en suis toujours aussi surprise. C'est la première fois et la dernière fois que j'ai chanté des choses de cet ordre. D'abord, je n'ai jamais suivi une formation de cantatrice lyrique. J'avais aussi un professeur qui m'avait dit « il faut tout apprendre, quel que soit le type de chant que vous allez faire plus tard ». Et donc, c'est vrai que lorsque je suis allée à l'audition pour Bernstein, j'ai chanté quelques chansons et puis il m'a demandé de chanter autre chose et je n'avais rien préparé précisément. Et puis d'une certaine façon, je me suis mise à réfléchir et puis je me dis « ah oui, j'ai travaillé sur Madame Butterfly avec mon professeur » et je me suis dit « bon, ben, je crois que je pourrais vous chanter l'entrée de Madame Butterfly, mais je n'ai pas la partition avec moi. » Et il m'a dit, vous savez, ne vous inquiétez pas, je la connais, et il s'est assis au piano. Alors voilà, je suis là dans la pièce, je n'ai jamais interprété cette aria en dehors du studio de mon professeur. La musique est magnifique, très difficile pour moi, et je suis face à Leonard Bernstein. Et maintenant, je me dis, mais comment j'ai eu le courage de le faire? Et il a été tout à fait impressionné. Et donc, j'ai interprété le final dans les aiguilles composées par Puccini. Et il m'a demandé alors de travailler sur l'aria, ce que j'ai fait. Et puis, quelques semaines plus tard, il est revenu. Il était très content du résultat et on a continué. J'ai toujours pu sortir ces notes aiguës très élevées. Maintenant, je ne peux plus, je suis plus âgée. Et je pouvais simplement sortir ces aiguës. Et je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, voilà, c'est moi qui fais semblant d'être une chanteuse d'opéra. Et puis, je me suis simplement lancée. Vous avez appris comment à chanter? J'avais un excellent professeur, mais je n'ai pas vraiment étudié le solfège, je n'ai pas pris des cours de solfège. Lorsque j'ai passé mon premier entretien avec Leonard Bernstein pour ce rôle de Cunégonde, à la fin, il m'a posé la question suivante, où j'étais allée à l'école? Alors, j'ai failli répondre et j'ai ouvert la bouche. Et heureusement, je ne l'ai pas dit. J'ai failli dire j'étais au Girls High, qui est le lycée où j'étais allée à Atlanta. Et puis j'ai compris, oh non mon Dieu, il ne parle pas d'une école, mais d'une école de musique, d'un conservatoire. Il pense à Juilliard ou à l'Institut Curtis à Philadelphie. Je n'ai jamais été au conservatoire, je ne connais rien à la théorie, je ne lis pas le solfège. Ça a l'air complètement fou, mais j'ai beaucoup de facilité. Et c'est vrai que j'aurais pu passer cette période à approfondir ma connaissance de la musique au moment où j'étudiais pour Candide. Mais vous savez, normalement j'apprends très facilement les mélodies, donc j'en ai jamais ressenti le besoin. Is it true? Is it true? Come on, come on, come so? You were dead, you know. You were shot and bayoneted too. That is very true. Oh, but love will find a way. Then what did you do? We'll go into that another day. Now let's talk of you. You are looking very well. Weren't you clever, dear, to survive? I have a sorry tale to tell. I escaped more dead. Holland, Portugal, torture. I would do it all again. To find you at last, reunited after so much pain. But the pain is past, we are one again. We are one at last, one again, one at last, one again, one at last. Time heals everything. En 1956, d'abord, You Were Dead, You Know, extrait de Candide avec Robert Runceville, et puis à l'instant, 20 ans plus tard, la Barbara Cook 2.0 qui arrive seule en scène à Carnegie Hall, un peu plus bouffie après une longue lutte contre son penchant pour l'alcool et après le départ de son mari, elle chante Time Heals Everything, le temps soigne les plaies, une chanson de Jerry Herman. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Parce qu'il y a une petite dizaine d'années où la carrière de Barbara Cook s'interrompt. Elle sera désormais à l'affiche de One Woman Show, de concerts en solo, sous la houlette de son ami le compositeur, arrangeur, chef d'orchestre Wally Harper. Une renaissance, une nouvelle carrière où elle se concentre sur la voix, qui n'hésitera pas à devenir plus grave et à swinguer. Fini donc les rôles d'ingénue pour Barbara Cook, elle s'en amuse dans une chanson que lui écrit sur mesure Wally Harper, qui s'intitule justement L'ingénue. For quite some time I've heard that I'm alleged to be an ingénue. And yes, it's true, when I was two, I pledged to be an ingénue. My agent said before I went to do what Doris Day would do and sign up on the dotted line if William Morris Pay would do. William Morris Pay would do. When I was three, they said to me the stage would be my medium, but ingenues must pay their dues with unrelenting tedium. We must be sweet or quite discreet and dress in unappealing clothes. We may not tease our friends or hair, or swear or wear revealing clothes. One has to fear the casting couch, producers, lust and greed alike. They let you like, covet you like, their hairlines all recede alike. They scream a lot and scheme a lot, and even David Miracle be calm at first, but in a burst get totally hysterical. An ingenue must promise to imprison her virginity. All men above the age of 10 are kept from her vicinity. A lady's reputation is unlikely to improve at all. A stain on that, no laundromat or cleaner can remove at all. The parts you play quite often may require you to ham a lot, and you're inclined to wind up in a bus and truck of Camelot. The parts for boys you play against, they bring out all the clones to do, and movie roles you live to play, they give to Shirley Jones too. The actress knows the critics will attack her in. It's so hard to live on guard and stay as sweet as saccharin. And above the pros and cons, you'll end up with a minus score. And that is why the ingenue has died out like the dinosaur. Walked with no one and talked with no one, and I had nothing but shadows. Then one morning you passed, and I brightened at last. Now I greet the day and complete the day with the sun in my heart. All my worry blew away when you taught me how to say. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pit-a-pat? And that happy tune is your step. Life's sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but now I'm not afraid. This rover just crossed over. Jazzy en diable, On the Sunny Side of the Street, c'était Barbara Cook en 1993 dans un album hommage à la parolière Dorothy Lee, un album magnifique qui s'intitule Close as Pages in a Book. Voilà, c'est la seconde carrière de Barbara Cook. La voix est belle, un peu différente. Vous l'entendez, elle joue désormais dans les clubs, clubs de jazz, elle chante à Carnegie Hall, elle chante au Lincoln Center et elle va même chanter au Metropolitan Opera en 2006. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud, so I know it isn't spring. Keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. Thank you. as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way. It might as well be spring. It might. Barbara Cook avait annoncé au printemps dernier qu'elle prenait sa retraite. Et cet été, le New York Times expliquait comment, durant ces derniers jours, ses amis sont tous venus à son chevet pour lui chanter des chansons. Ou lui ont même envoyé des enregistrements. C'était toutes et tous des stars de Broadway. Voilà, la musique l'aura accompagnée toute sa vie. À l'instant, on a entendu Barbara Cook, première femme de musique dite populaire, à chanter au Metropolitan Opera. C'était en 2006. It Might As Well Be Spring, extrait de la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, State Fair. Sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, on vous a mis évidemment la programmation de l'émission, on vous a mis des vidéos avec Barbara Cook, et surtout en inédit, vous pourrez entendre l'interview complète avec Barbara Cook, que nous n'avons pas traduite, vous pourrez l'entendre parler en anglais. Dans l'actualité des comédies musicales, on peut le dire, la saison reprend, avec plusieurs concerts à ne pas rater. Lundi et mardi soir, l'association Broadway au Carré reprend son cycle de spectacles mensuels autour de Broadway à Paris. C'est à la Comédie Nation de jeunes férus qui chantent pour le plaisir Broadway à ne pas rater. Samedi soir prochain, à l'Opéra de Toulon, c'est carrément une nuit à Broadway, avec l'orchestre de l'Opéra dirigé par Larry Blanc et d'excellents interprètes venus de Londres. Vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous offrais des places pour ce concert. Eh bien, le tirage au sort a désigné Jean-Paul Dubès à Toulon et Jacques Coutentin qui habite à Sainte-Maxime. Bravo à vous. Si vous n'avez pas gagné ces places, eh bien, peut-être que vous remporterez celles que je vous propose ce matin. C'est pour un autre concert qui aura lieu dimanche prochain à 17h au Théâtre des Bouffes du Nord. La chanteuse lyrique habituée à Mozart, à Purcell, Kate Lindsay, s'associe au pianiste de jazz Baptiste Trottignon et propose un concert autour de l'œuvre de Kurt Weill, avec au programme des extraits de l'opéra de Katsu, de Lost in the Stars ou de Street Scene. Il y a un album qui est sorti en mai dernier et donc ils seront en concert dimanche prochain au Théâtre des Bouffes du Nord. J'ai plusieurs places à vous offrir. Comme toujours, pour tenter de les gagner, vous nous envoyez un message. Vous allez sur la page de l'émission 42e rue sur francemusique.fr et vous avez jusqu'à mardi soir pour tenter votre chance. Mardi soir à minuit, nous informerons les gagnants par mail. En voici un extrait de cet album de Kate Lindsay, Nana's Lied, sur un texte de Bertolt Brecht. Meine Herren mit 17 Jahren kam ich auf den Markt. Und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich doch verargt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Schar. Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kargt. Schließlich geht ja jeder Vorrat zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und auch wenn man gut das Handeln lernte auf der Liebesmess, Lust in Kleingeld zu verwandeln, wird doch niemals leicht, nun es wird erreicht. Doch man wird auch älter unterdes. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Kate Lindsay à découvrir au Bouffe du Nord dimanche prochain à 17h. Nous vous offrons des places. Vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr pour tenter de les gagner. Et sur ce site-là, francemusique.fr, vous trouverez évidemment la programmation de 42e rue et puis aussi les informations sur nos prochains cabarets 42e rue en direct, en public, ici à France Musique, le 24 septembre avec Michel Legrand et son trio de jazz pour fêter les 50 ans des Demoiselles de Rochefort et le 15 octobre avec la troupe de West Side Story. Vous étiez bien sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni. Merci pour la traduction à Paloma Goulemo, à la technique Déborah Dagobert, à la cabine Eric Pesco. Et à la réalisation, le grand retour de Perrine Mingui. Rideau ! Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.